Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans un épisode de Caprice de lecture qui sera aujourd'hui poétique parce que j'ai la chance et l'honneur de recevoir Simone Desavel pour un livre qui s'intitule « Ainsi qu'un chant de source » sur la vie et l'histoire de Léon Tonnelier, poète. Bonjour Simone. Bonjour à vous Sarah, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans les locaux de Fadjet pour plein de raisons. Et d'une, parce que enfin je découvre qui est Léon Tonnelier. Et puis c'est pas souvent qu'on parle poésie dans cette émission. Donc merci beaucoup Simone d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie. Alors vous êtes présidente de l'Académie Léon Tonnelier depuis une dizaine d'années. Vous nous proposez à travers ce livre donc de retracer un peu l'histoire de ce poète, mais qui n'a pas été que poète, on va y revenir après. Et puis vous nous avez compilé donc plusieurs poèmes, mais pas que, on a aussi quelques portraits et puis quelques photos de paysages fort agréables et bucoliques en ce printemps qui nous ouvre ses portes. Alors effectivement, c'est ce que je vous disais hors antenne, Simone, c'est un poète que moi je ne connaissais absolument pas, jusqu'à ce que vous précisiez dans ce livre que l'allée Léon Tonnelier est celle qui longe la brasserie au parc de la Pépinière. Et là, je me dis, c'est pas possible. Il y a des centaines de gens qui se promènent là, qui lisent aussi cette pancarte indicative. Un peu, ils la lisent sans la lire, alors qu'en fait, ça a été un personnage central, on va dire, de l'histoire artistique et même de l'histoire tout court de la ville de Nancy. Et de la culture de Nancy. De la culture. Pourquoi ce poète revêt-il une telle importance, Simone ? Alors déjà, l'Académie Léon Tonnelier a été créée par Irène Génamoine, okay, qui est une poétesse qui a eu le prix Moselli, entre okay autres, hein, donc, et qui s'est occupée de l'Académie durant 30 ans, okay, parce qu'elle a choisi le nom de ce poète parce que c'est quelqu'un d'une famille extrêmement modeste, ouais, qui n'avait pas pu faire d'études du tout. Puisque à 14 ans, il a été obligé de quitter l'école en catastrophe, son papa étant gravement malade, pour financer la vie de la famille. Pour subvenir aux besoins de la famille. Voilà, il n'y avait plus rien sinon. Donc, et ce qui fait qu'il n'a eu aucune éducation dans le domaine de la poésie, de la littérature. Il était loin de tous les autres grands noms de l'époque qui, eux, avaient eu une éducation, qu'elle soit scolaire ou une éducation tout court. En plus, vous le précisez, il est issu d'un milieu modeste, donc on n'a pas du tout les mêmes façons d'éduquer les enfants, parce que souvent les besoins primaires ont besoin d'être comblés avant de pouvoir penser à une éducation, qu'elle soit artistique ou culturelle. Et donc, c'est la précédente présidente qui a choisi le nom de ce poète qui, à l'époque, était déjà pas connu quand ça se décide, Simone ? On l'avait oublié complètement. Complètement oublié. En fait, elle était tombée accidentellement sur un recueil, donc la Flûte d'Ébène. Oui, qui ouais, est un recueil qui a été financé par les grands créateurs de l'école de Nancy. OK. Parce que jamais Léon Tonnelier n'aurait eu les moyens de faire imprimer son ouvrage. Oui. Donc, elle avait trouvé que les mots étaient magnifiques. Et puis, elle s'est dit, mais c'est vraiment dommage d'oublier complètement quelqu'un comme ça. Bon, Léon Tonnelier, il se trouve que dans sa famille, il n'avait qu'une nièce célibataire. Ok, donc lui n'a pas de descendance directe. Lui avait un fils. Qui est décédé. Qui a été tué le premier jour de la guerre de 14, donc près de Morhange. Pareil, à 20 ans et sans descendance, sans rien du tout. Okay. Donc, on tire un trait là-dessus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Nous avons eu une chance extraordinaire. J'ai reçu un appel d'un monsieur parisien, okay, curieusement, qui, ouvrant le coffre-fort de son oncle décédé, retrouve un dossier qui se nomme Léon Tonnelier. Bon, il se demande qu'est-ce que c'est que ça. Il se demande qui c'est du coup. Et qui est-ce, etc. Donc en tapant sur Internet, naturellement, par chance, il tombe sur le site que nous avons créé, oui, hein, leontonnelier.fr, ouais, pour ceux qui veulent. On en parlera après. Un œil, voilà. Dans le dossier, il y avait des poèmes signés de Léon Tonnelier. des documents qu'on connaissait pas. Des inédits complets. Des inédits complets, des tas de documents également, de journaux, d'articles, de tout ça, y compris articles d'une page complète dans l'Est républicain à l'époque où il était immense. Oui, oui. Sur le décès de Léon Tonnelier, tellement c'était un personnage pour ce temps-là. Incroyable. Et donc, il vous a donné. Et donc, il a téléphoné, il a pris contact et il nous a envoyé tout le paquet. Super. Et une autre personne également. Et une personne dont le papa était artiste, qui m'a conviée à passer chez elle pour nous offrir le portrait de Léon Tonnelier sur son lit de mort que son papa avait réalisé à l'époque. Alors, génial. C'est vraiment des documents qu'on n'est pas habitué à trouver. Et inespérés pour vous, du coup. Extraordinaire. Ah oui, c'est fou. Alors justement, j'allais vous poser la question. Sa vie démarre donc fin 19e siècle. Effectivement, on a évoqué sa condition extrêmement modeste au départ. Il fait plusieurs grandes rencontres. Et moi, je voulais qu'on mette l'accent un peu sur Eugène Corbin. Ah oui. Parce que c'est un nom qui parle à tout le monde à Nancy. Eugène Corbin, Magasin Réuni, bien sûr. Comment avez-vous retracé le parcours de Léon Tonnelier ? C'est-à-dire, hors antenne, vous me dites « Ah oui, mais Eugène Corbin, mais il avait fait plein d'autres grandes rencontres. » Vous venez avec un livre, je parlerai du type de livre tout à l'heure parce que je le trouve assez extraordinaire et très ludique en plus. Il demande à être connu, ce livre, à mon sens. Comment il a fait ? C'est-à-dire que c'était quelqu'un, quand vous le décrivez dans le livre, c'était quelqu'un que tout le monde aimait, qui était... qui se mettait au niveau de toutes les conditions et qui n'avait pas un ego surdimensionné. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, ce personnage. Et comment c'est possible de venir d'une condition comme celle-là, fin 19e, où on sait que c'est très compliqué de sortir de sa condition, oui. pour être connu comme ça par les plus grands de l'école de Nancy, alors j'ai cité Eugène Corbin, mais il y a eu Charles Keller, je crois, de mémoire. Oui, entre autres, oui. Comment vous faites pour retracer sa vie ? Comment vous avez fait ? Il y a des archives, il y a les pièces, effectivement. Vous venez de nous expliquer les personnes qui vous ont donné, mais je suppose qu'il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Je sais que l'ancienne présidente, donc Irène, et un de nos amis, Michel Jean Muller, qui est un musicien, un compositeur, qui avait déjà été faire des recherches un petit peu sur Léon Tonnelier. D'accord. Donc, ils avaient eu quelques éléments. Mais c'est vrai que le dossier qu'on a reçu ensuite, ça a été, c'était extraordinaire. Ah, à mon avis, il y a eu un professeur de musique au lycée Poincaré à Nancy. D'accord. Qui collectionnait tout ce qui parlait de littérature, de musique et également tout ce qui parlait de Léon Tonnelier. Il s'était pris d'amour vraiment pour ce poète. Et lorsque les magasins réunis à l'époque ont laissé la place au printemps, il y a eu un grand ménage de fait quand ils ont récupéré le bâtiment et ils ont jeté pour les ordures, comme ça se fait traditionnellement d'ailleurs. Malheureusement. Chose. Oui. Ils ont jeté tout sur le trottoir en attendant que les éboueurs embarquent ça. Et sortant du lycée Poincaré, donc ce monsieur est allé fouiner dans les papiers qui traînaient. Il est tombé sur les poèmes signés de Léon Tonnelier, des documents de toutes sortes. Et il a continué à glaner tout ce qu'il a pu sur lui. Mais il avait un dossier bien... presque aussi épais que Et je me dis, vous parlez de grands ménages au magasin réunis, mais c'est pareil dans aussi certaines administrations ou dans certaines archives. Si les personnes ne connaissent pas ou ne cherchent pas à savoir, c'est vrai que ça peut tomber aux oubliettes. Et je dirais que ce professeur a eu la chance de sa vie. Comme vous avez eu une chance folle, parce qu'il vous a peut-être mis aussi des pièces où il vous a aidé dans vos recherches, ce professeur, je suppose. Moi, je ne l'ai pas connu. Vous ne l'avez pas connu ? Enfin, je le connaissais de réputation. D'accord, parce ok. Que sur Nancy, il était vous ne l'avez pas connu en direct. Il était connu, mais donc c'est le neveu. Hein, c'est fou, hein. Qui, de Paris, nous a envoyé ses documents. C'est lui, le fameux de Paris. Le relais. Parce que Léon Tonnelier, il avait envie de connaître la poésie et tout. Et du coup, il travaillait, il bricolait, parce qu'il travaillait petit employé de bureau à recopier des listes au porte-plume, comme on se faisait 9 à 10 heures à l'époque, par jour, on imagine. Voilà, oui. Et le soir, il étudiait de la poésie, il essayait de comprendre. Il est parti à Paris pour aller rencontrer les grands poètes de l'époque. Ouais. Il a été accueilli par eux, mais n'ayant pas un sou vaillant, comment peut-on trouver sa place dans un monde comme celui-là? Surtout à l'époque, réservé, quand on remet à une espèce d'élite, à Paris, donc une intelligentsia parisienne, voilà. Oui. Et en fait, il est quand même, malgré sa condition modeste et sans argent, il est quand même accueilli dans un cercle plutôt restreint. Voilà. Donc moi, je me dis, c'était quand même une personne qui devait être, comme on dit, avec qui on devait aimer partager du temps, des histoires, et venant d'une condition modeste, mais quelle motivation il a dû avoir pour se mettre à la poésie. Enfin, quel personnage. Du coup, il s'est lancé même dans des demandes. Par exemple, que les bibliothèques soient ouvertes le soir, après les heures, parce que lui, il ne pouvait pas y aller, vu ses horaires. Oui. Donc, réussir à aller à la bibliothèque qui soit ouverte jusqu'à 22 heures, par exemple, ça lui permettait d'acquérir une culture qui n'arrivait pas à avoir. Il avait une soif de culture incroyable. Il avait besoin, oui. Alors, on va faire une première coupure musicale de votre choix, Simone, qui est Glenn Miller, In the Mood. Alors, pourquoi ce choix? Dites-nous tout. Déjà, c'est une petite musiquette qui me tournait dans la tête lorsque je rentrais dans mon collège le matin. J'étais partie sur ce petit son. Une petite ritournelle et comme ça. Cette ritournelle, c'était celle qui annonçait les messages de Londres à la radio qui était interdite ici en France. Okay. Et comme je suis, moi, fanatique d'une certaine époque, l'époque de la guerre de 40. Okay. J'ai produit un livre sur la Shoah, sur la vie d'une jeune fille comme ça, à cette époque-là. Okay. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui engageait. Voilà. Et puis, c'est important pour vous. Oui, c'est important. Eh bien, écoutez, on le découvre et on revient juste après pour la deuxième partie d'émission. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture pour cette deuxième partie d'émission en présence de Simone Dezavel, présidente de l'Académie Léon Tonnelier. Et justement, nous parlons dans cet épisode de Caprice de lecture de Léon Tonnelier, personnage quasi oublié de l'histoire, je crois. Disparu, en tout cas. Disparu et qui... Malgré tout. Qui a une seconde naissance grâce à des, je dirais presque à des hasards de la vie. Eh bien, du coup, on peut dire merci. Alors justement, je voulais qu'on parle un petit peu de ce livre, Simone, parce que moi, j'ai trouvé, je l'ai regardé, il y a des portraits de son épouse, il y avait un portrait de son fils petit. Oui. Et puis, il y a des textes qui sont absolument fabuleux, il y a des paysages. Et moi, je me suis dit, mais ce livre est à la croisée d'une biographie, d'un recueil de poèmes, mais aussi d'une sorte d'album à travers le temps. Est-ce que c'est le choix que vous avez fait? C'est-à-dire que tout le monde puisse l'avoir en main et se dise, oh bah tiens, ça donne une lecture dynamique. Est-ce que c'est ce que vous souhaitiez? Moi, comme je l'ai écrit dans le livre, j'ai voulu le présenter comme un voyage. Ah, un ouais. voyage qui nous déplace dans l'espace ouais. et dans le temps. J'ai illustré le livre avec bon nombre de mes photos d'une région du Saintois. Oui. Entre autres du village de mon frère et ma belle-sœur. D'accord. Qui s'appelle Pulnay. Il faut chercher hein, pour trouver. C'est à la limite des Vosges, mais c'est un coin magnifique. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher. Il faut que ça reste secret. Voilà. Et les photos sont hors du temps. Donc j'ai, oui. je me suis arrangée pour que on n'ait pas le moindre élément contemporain, qu'on puisse se dire comment étaient les choses à l'époque de Léon Tonnelier. Hein, même si on est dans les années 2000, en fait. Même si les photos ont été prises il y a peu de temps. Ok. Vous avez un poème préféré de Léon Tonnelier? Oui. C'est lequel? On va dire tout bas. Ok. Est-ce tout que bas. Vous pouvez nous en lire juste une partie? Je vous laisse faire la lecture? Oui. Grimper vers ta fenêtre et, frêle liseron, l'atteindre, y demeurer afin que tu m'y cueilles. Être une vigne vierge et pendre sur ton front la fraîcheur de mes fruits et l'ombre de mes feuilles. Clématite ou glycine, être en fleur tout au long des lourds volets mi-clos dont parfois tu t'endeuilles, m'y pendre en grappe mauve en tes cheveux d'or blond. Être un lierre, etc. Merci beaucoup, c'est vrai que c'est très très beau. Merci, merci. Alors justement, on parle de Léon Tonnelier, l'Académie Léon Tonnelier. J'ai été faire un petit tour sur votre site internet. C'est quoi les projets à 6 mois, 1 an de l'Académie? Tout à l'heure hors antenne, vous me disiez, mais on fait aussi beaucoup de choses par rapport à d'autres formes d'art, par exemple la peinture. Est-ce qu'il y a des dates à retenir? Est-ce qu'il y a des rendez-vous incontournables? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Simone? Nous serons en exposition artistique. On a d'une part la partie littérature, donc la poésie, mais pas que, okay. pas que et la partie artistique, donc que ça soit peinture, sculpture, etc. Okay. À l'Académie, nous avons un groupe qui s'appelle Esprit Aquarelle, ouais. hein, qui essaye d'organiser chaque année, si possible, des stages d'aquarelle où on fait venir des artistes de renommée internationale. Super. On a fait venir Diane Boilard du Canada. On avait fait venir Eban, qui était vietnamien, qui malheureusement okay. est décédé subitement. Là. Pourtant, c'était un jeune. Ouais. Et donc, on essaye d'accueillir pendant un week-end les passionnés d'aquarelle. D'accord. Voilà. Donc, nous aurons une exposition jusqu'au début mai, jusqu'au 13 mai. D'accord. À l'Axou, au CILM, c'est 23 rue de la Meuse. Ok. Hein, donc, avec comme invité d'honneur Marie-France Larrière, D'accord. qui est donc une peintre qui s'occupe d'acrylique, et sur un thème qui est un thème banal, c'est le thème couleur. Donc, on va un petit peu s'éclater avec la couleur. On sera une espèce d'aquarelle géante. Ça, voilà. Ah, super. Chaque année, on réalise donc cette exposition. Ok. Chaque année, on fait aussi un récital poésie-musique. Ok. Et alors, puis pas forcément autour de Léon Tonnelier, c'est un récital poésie-musique. Voilà, c'est. D'accord, ok. On ouvre à des créateurs contemporains, hein, ceux à qui okay. on essaye de donner la parole, ça, comme ça à une époque. Ça vulgarise aussi la poésie, je trouve. Voilà, parce que ça la change. Poésie, ça a du mal, parce que les gens. Peut-être où les lecteurs ont quelques préjugés sur les poésies. Tout à l'heure, vous me parliez un petit peu de mauvais souvenirs d'enfance quand on n'arrivait pas à retenir les poésies, mais ce n'est pas que ça. Il y a plein de poètes contemporains, là, je vous suis complètement. Et c'est chouette qu'il y ait une académie comme la vôtre qui donne aussi voix ou qui permet au moins de connaître les avec poètes. Une ouverture, parce que nous étions cette semaine donc, à Villers-les-Nancy. Oui. C'était le printemps des poètes. Oui. Et là, on a un poète qui nous a... Donc, les gens venaient dire leurs textes okay. et tout. Hein, c'était sympathique de, partager tout ça. Et un monsieur qui est venu nous dire que de toute façon, la poésie libre, c'était nul, qu'il fallait des rimes et qu'il fallait que ça soit des rimes embrassées. Et en plus, il a sorti tout le vocabulaire le plus précis. Le plus technique possible. Technique et tout. Mais d'une façon absolument formidable. Et à l'issue de ça, d'ailleurs, il est parti parce qu'il n'en avait rien à faire d'écouter les autres. Ok, donc il a quand même perdu son temps à venir vous dire tout ça. Je suis désolée, mais nous, c'est pas ça. Hein. Je suis d'accord. Mais c'est chouette parce que vous donnez aussi voix à des poètes qui gagnent à être connus. Oui. Ou au moins des personnes peut-être comme moi, je dirais comme moi, pas vous, parce que vous êtes présidente de l'Académie Léon Tonnelier, donc non. Mais vous voyez, qui sont peut-être dans leur coin et qui ont peut-être une chance d'être entendues. Mais pour ça, donc, on organise tous les deux ans, donc ce sera l'année prochaine. D'accord. J'en ai des sueurs froides parce que pour le moment, ça va être difficile de trouver une salle pour la remise de prix, etc. Donc, c'est un concours de poésie, poésie nouvelle, et qui s'adresse à des personnes de tous horizons. De tout pays. Voilà, on a des Luxembourgeois, Belges, on avait des artistes même d'Israël et d'ailleurs qui participaient de donc ça tous les deux ans, donc l'année prochaine tous les deux ans, voilà. C'est l'année prochaine. C'est un concours où il y a on a 11 sections, y compris entre autres par exemple la poésie pour enfants qui n'est quand même pas ordinaire. Et non. Puis des choses à thème. Bon, les thèmes c'est je sais pas, l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'on ait un petit thème sur la route de la soie ou quelque chose comme ça. Super. Enfin bon, bien. Voilà. Et là, si jamais nos auditeurs ont des questions sur ce que vous allez organiser ou tout simplement sur l'Académie Léon Tonnelier, comment on fait pour vous joindre? Il vaut mieux passer par le site parce qu'à ce moment-là, il y a un lien pour pouvoir donc nous contacter. Si on tape dans Google Léon Tonnelier, on tombe tout de suite sur le site de l'Académie. Moi, c'est ce que j'ai fait, je suis tombée dessus tout de suite. Académie Léon Tonnelier, ça va. Puis il y a un petit truc contact où on peut vous laisser un petit mot. C'est suivi, vous répondez et tout. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez. Et bravo à Françoise Dupasquier, qui est donc ma collègue, qui s'occupe du site. Voilà. Tout ça, c'est bénévole. Oh bah oui. Évidemment. Oui. Bah oui. Et heureusement que les bénévoles sont là. Eh oui. Je suis d'accord avec vous. La culture, elle n'existerait pas sans les bénévoles, oui. Alors, on va pas forcément se quitter, mais ce sera le dernier morceau de votre choix, avec Debussy, Clair de lune. Pourquoi ce morceau, Simone? Ah, parce que je trouve qu'il représentait tout à fait l'ambiance de certains poèmes de Léon Tonnelier. D'accord. Où il nous envoyait complètement dans le rêve, dans l'imaginaire et tout ça. Bon, attention, hein, les personnes qui seraient intéressées par l'ouvrage ainsi qu'un champ de source, il y a des poèmes à ne pas mettre devant tous les yeux non plus. Parce c'est que bon comme c'était un habitué de certaines maisons dites closes, les enfants. Je n'ai pas voulu supprimer une partie de la vie. Je me suis dit, le poème, autant qu'on le connaisse, du début d'accord. sa jeunesse à la fin. Totalement. À côté de ça, c'était un mari atroce, mais bon. Bien. C'était beaucoup à la mode à cette époque. Oui, et puis ils avaient toute impunité. Eh bien, on fait une petite pause avec Debussy et on se retrouve juste après pour se dire au revoir. Caprice de lecture sur Fadjet. Eh bien, nous allons nous quitter avec Simone Dezavel pour Ainsi qu'un chant de source, Léon Tonnelier, poète. Simone, j'ai été ravie de vous recevoir. Vous m'avez fait découvrir un poète dont j'ignorais totalement l'existence. En plus, je découvre que l'Académie Léon Tonnelier est d'une activité de dingue. Et je voudrais dire aux auditeurs que Simone Dezavel, s'il vous plaît, Simone, vous êtes un exemple pour nous tous. Vous n'arrêtez pas, vous êtes dynamique. Bravo, franchement, bravo. Vous êtes inspirante, voilà. Moi, je suis une paresseuse. Et donc, les paresseux, ils font plein de choses de tous les côtés pour se reposer de ce qu'ils venaient de faire avant. Voilà, changer de métier, ça repose. Merci beaucoup. Votre dynamisme, votre bonne humeur, votre partage, ce fut un super caprice de lecture. Merci tout plein. Et puis, j'espère vous voir très bientôt. J'ai cru comprendre que vous aviez aussi un truc sous le coude, là. Quelques valisettes de, voilà. De projets. Et ben, je compte sur vous, comme ça, vous reviendrez en parler. D'accord ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt.